Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le couple Pauline-Julien, Gérald Godin. Quand je vois des répétitions de Pauline-Julien, à chaque fois, je suis très, très ému. Parce que pour moi, c'est la plus belle phase de son boulot, c'est quand c'est encore un diamant non encore taillé, si vous voulez. Elle veut que je sois là parce qu'elle pense que je peux l'aider. Je sais pas si je peux vraiment l'aider. Puis toi aussi, on a chacun nos périodes de doute terribles. Toi, tu serais peut-être de tempérament à ne pas le dire, mais moi, je le devine. Puis là, à ce moment-là, tu en parles et je crois que je peux t'aider. Pauline Julien et Gérald Godin qui racontent en 1988 comment ils s'aident à vivre et à créer l'un et l'autre, couple passionné et entier, parfois complice, parfois à couteau tiré. Ils connaîtront chacun leur tour, leur heure de gloire. Leur histoire aura aussi accompagné celle du Québec en chansons, en poésie et en action politique. Votre définition de l'amour à tous les deux? Ben, c'est un choc, c'est une passion, c'était... Et c'est une fleur très fragile, et qu'il faut entretenir, et qu'il faut remettre en question presque tous les jours. Mais, et puis après ça, discuter beaucoup, parler, et essayer d'être coopératif, un peu de tolérance. Moi, je vais essayer de... Toi? De me forcer un peu, mais c'est-à-dire en citant un poète, Paul Éluard, qui décrit bien ce pourquoi l'amour pour moi est important. Il disait, je pense à l'époque, à Gala Éluard, sa femme, « Je t'aime pour ta logique si différente de la mienne. » Et moi, je pense que la confrontation de la logique mienne par rapport à celle de Pauline, qui, d'après moi, n'en a aucune, mais c'en est une autre. Oui, une autre. Nécessaire. Une autre fait que je suis constamment étonné par ses réactions face à ce qui se passe dans notre vie. Mais c'est très stimulant. Et puis, l'autre jour, je lui ai fait un poème qui résume un peu ce que je pense de sa position par rapport à la vie. « Je t'adore, sans ton tu adores. » On dit le refus du tchador, c'est le refus des règles, des principes et des convenances. Et c'est parce que Pauline, précisément, refuse les tchadors ou les règles des femmes avant le féminisme que je l'aime. Sans ton tchador, je t'adore. Gérald Godin et Pauline Julien, l'émission Ici comme ailleurs en 1990, un extrait combien révélateur de la nature de leur relation, pour nous raconter cette histoire de passion avec ses hauts et ses bas. L'auteur Louise Desjardins qui a écrit la biographie de Pauline Julien, Pauline Julien, La vie à mort, publiée chez Lemiac en 1999, et qui a aussi été conseillère pour le livre de correspondance entre Pauline Julien et Gérald Godin, La renarde et le mal peigné, publié également chez Lemiac en 2009. Louise Desjardins, je reviens à cet extrait qu'on vient d'entendre. C'est fabuleux. Comment définir la nature de cette relation entre Pauline Julien et Gérald Godin? C'est un amour très difficile à définir parce que c'est un amour qui ne se prend pas, qui ne s'explique presque pas. C'est un amour bipolaire. C'est-à-dire que c'est toujours... On est vraiment dans les hauts et les bas. C'est dans les hauts et les bas, constamment. S'il y en a un qui est bien, l'autre n'est pas bien. S'il y en a un qui est très amoureux de l'autre, l'autre s'enfuit. C'est un peu comme le chat et la souris. C'est le romantisme, le genre romantique. À l'état pur. Moi, je pensais à Carmen. L'amour est enfant de bohème en préparant cette émission. Si je t'aime, prends garde à toi. Mais c'est vraiment ça, le chaud, le froid. Oui, rien n'est jamais acquis dans cet amour-là. Jusqu'à la fin. Hein, il y a des périodes d'accalmie, surtout quand ils sont en vacances. Ils peuvent être très, très relax quand ils sont en vacances. Ils sont au bord de la mer. Quand je demandais à Pauline, mais qu'est-ce que tu fais en vacances? Elle disait, rien, je fais l'amour. Mmh. Alors, ils aimaient beaucoup être en vacances. Ils s'aimaient en vacances. Mais autrement, C'était un amour un peu à la Jouando, ouais. Un amour qui se construisait à même la destruction. Il faut dire qu'il y a un cocktail assez explosif. Pauline Julien, qui est une passionnée, qui est, j'allais dire férocement, mais en tout cas qui est jalouse, et Gérald Godin, qui est infidèle, c'est assez explosif. Ça donne des scènes. Ça fait un cocktail explosif, en effet. Il y a une anecdote, mais réelle. Racontez-nous l'histoire du couteau de North Attlee. Mais oui, c'est ça. Pendant un certain temps, Gérald jouait dans un film avec Geneviève Bugeaud, je crois. Puis il y avait une grande réception que Pauline avait organisée à North Attlee, et Gérald n'était pas là. Puis elle se demandait pourquoi Gérald n'était pas là. Comment ça se fait? Il n'arrive pas. Tout le monde savait à peu près où était Gérald, ce qu'il faisait. C'était l'équipe, en fait, qui était invitée, l'équipe du tournage oui, auquel il participait. Puis tout le monde savait un peu ce qui se passait, mais sauf Pauline. Mm-hmm. Et tout à coup, Pauline voit arriver Gérald, puis quelques minutes après, elle voit arriver Geneviève Bugeaud, puis tout à coup, elle dit « Oh! » Elle se met à faire l'équation, et puis elle prend un couteau, puis elle le dirige en direction de Gérald. Carrément. Elle aurait pu le tuer. Ouais. Alors, il y avait plein de témoins, bien des gens me l'ont raconté. Alors, Ça montre qu'elle était impulsive. Ouais. Elle était très impulsive et très violente. Ouais. Mais en même temps, elle était aussi une personne. En elle-même, elle avait cette bipolarité-là, ouais, un peu. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était capable d'une douceur incroyable, d'une très grande générosité. Elle était ouverte, elle était vraiment une personne charmante. Mmh. Mais il fallait pas piler sur ses pieds. La rencontre, comment se rencontre-t-il? Un autre extrait, puis vous poursuivrez ensuite, D'ici comme ailleurs, animé par Michel Desautels. Vous entendrez dans cet extrait également les questions d'Hélène Lacoste. Comment et où vous êtes-vous rencontrés? On va enfin le savoir. Moi, j'ai été chanter à Trois-Rivières quand je suis revenue de mes études et de mon séjour en France, où j'ai commencé à chanter. Bon, et tout de suite, ça s'est bien passé. J'ai chanté à Trois-Rivières. Et puis, il y avait, à un moment donné, à ma loge, un jeune homme qui est venu me demander une entrevue. C'était Gérald Godin. Bon, puis on est allé manger ensemble. Il m'a présenté ses amis poètes, Alphonse Piché et Clément Marchand. Puis la fois d'après, j'ai dit, mon Dieu, je connais des gens ici, avec ma famille, bien sûr, mais dans le métier un peu, et je l'ai appelé. Et puis on s'est vus. Puis après ça, il m'a invité à un lancement de ses poèmes à Montréal. Mmh. La poésie. Et puis, ben voilà. Puis est-ce que c'était le coup de foudre? En tout cas, pour moi, oui. On se plaisait bien, oui. À tel point qu'à l'époque, elle m'a convaincu de faire du ski. Moi, qui suis pas un sportif. Moi, je disais, s'il faut passer par là pour avoir la cœur de la belle, je me suis acheté des skis. On avait beaucoup de skis. Un peu d'après-ski, évidemment. Et puis, c'est comme ça que tout a commencé. Et on s'est mariés 27 ans après. Ah oui, les pilons fréquentation d'histoire récente. C'est charmant, cet extrait-là. Ça montre, au début de leur relation, Louise Desjardins, à quel point Gérald Godin, il est fou amoureux d'elle. Absolument. Entreprise de séduction, là, mais il va y mettre le paquet. Ah oui, il y a vraiment absolument rien qui lui a échappé dans sa quête, sa conquête de Pauline. Il l'aimait à la folie. C'était la première fois qu'il l'a vu sur la scène. Il est tombé, il a un coup de foudre. Mm-hmm. Mais pas Pauline, parce que Pauline, elle raconte que là, c'est arrivé là, mais c'est la mémoire qui, ouais, change un peu l'histoire. Alors, elle n'est pas du tout, elle a trouvé qu'il avait des beaux yeux verts coulissants, comme elle disait toujours, mais elle a déjà un amant en France, puis elle tient beaucoup à cet amant qui est un sculpteur, Dietrich. La seule chose à laquelle elle pense, c'est de retourner en France pour aller rencontrer son amant. Ça, c'est la première rencontre. Mm-hmm. Mais Gérald, lui, il est pris. Il est vraiment pris. Et tenace. Et tenace, parce que Paul-Marie Lapointe m'a raconté que quand il travaillait au Nouveau Journal, bien même avant qu'ils commencent à sortir ensemble, Pauline et Gérald, il y avait le poster de Pauline Julien dans son bureau juste en face. Ouais. Puis, il y avait tout ça. En tout cas, de toute façon, ça, c'est la première rencontre, mais pas pour Pauline. Ça va être un an plus tard, en 62. Ça, c'est arrivé en 61. En 62, là, il y a le Brecht dans lequel Pauline joue, puis Gérald Godin attire Pauline en faisant des mauvaises critiques. Il blâme l'École nationale de théâtre. Un article assez incendiaire sur le côté bilingue, le caractère bilingue de l'École nationale. C'était le Canada au complet qui devait être à l'École nationale de théâtre. En tout cas, c'était assez violent. Mais c'est astucieux, parce qu'il sait ce qu'il fait. Il vise, il pointe les amis de Pauline Julien. Il va à la pêche. Et là, Pauline Julien, qui a des amis aussi au Nouveau Journal, elle invite Gérald chez elle pour parce qu'elle, il faut qu'on discute. Hein? Ouais. Il faut qu'on mette ça au clair. Alors, elle invite... elle était déjà un petit peu amoureuse de Paul Thomas, qui était aussi... qui jouait dans la pièce. Et puis, bon, elle invite tout le monde, Gascon, tout ça. Puis on discute très fort pendant un certain temps. Puis à la fin, ça tourne à la rigolade, comme toujours. Mais là, c'est pas encore ça. Et il faut le lancement dont elle parle, dans le fond, c'est le lancement de l'aquarium de Jacques Godbout en mars, je pense, 62. Et là, c'est là qu'après le lancement, ça se passe. Ouais. Et là, c'est parti. Et c'est là qu'ils vont en ski, puis bon, tout ça. Et là, c'est la chevauchée de Gérald vers Pauline, si on peut dire. Mais Pauline est toujours un peu réticente et tout à coup, elle mord à l'hameçon. Ouais. À l'hameçon, quand Gérald part en Europe. Et là, elle est dans le manque total et là, elle s'accroche, elle écrit des lettres. Ça va être important. Lui, il va lui écrire des lettres sulfureuses aussi. Oui. La correspondance entre eux deux. Mais pas au début. Non. Au début, c'est des lettres, il s'y dit « Salut Pauline ». Elle voudrait qu'il dise « Mon amour ». Tout ça, mais lui, il dit « Salut Pauline ». Mais il raconte... cultive le manque. Oui. Ouais. Ah, il est astucieux. Ouais. Il est astucieux. Et là, Gérald prend peur. Et le jeu commence, si d'accord. on veut. C'est installé. Bon, ils vont se retrouver ensemble, couple, parfois séparés, effectivement, tout au long de leur vie. Les idées, ça va commencer à être important. Ils vont partager tous les deux les mêmes idées, l'indépendance du Québec, entre autres. Les années 60, il faut le dire aussi, c'est les années de Pauline. C'est elle qui est une vedette de la chanson. Gérald est encore pas très connu à ce moment-là. Mais pour montrer un peu ce partage des idées et ce côté passionné, racontez-moi l'anecdote de Niamey au Niger. Oui, c'est que Pauline était invitée pour avec les représentants du Canada sur la francophonie. Elle était représentante. Avait été invitée. Elle pensait d'ailleurs, une petite anecdote, elle pensait qu'elle était invitée comme chanteuse, mais non, c'était pas comme chanteuse, c'était comme personnage important. Elle avait même amené son pianiste, mais en arrivant à Niamey, on lui a dit que c'était inutile parce qu'il n'y avait pas de piano à Niamey parce que les termites auraient tout mangé le piano. Alors, c'est Pauline, elle s'installe dans la salle, alors, puis elle écoute Gérard Pelletier qui fait son discours et qui dit qu'on parle français partout au Canada. Et elle se lève. Mais d'un coup, puis elle dit « Vive le Québec libre ». Alors, ça fait comme un froid dans la salle, puis on se demande ce qui va se passer. Mais imaginez l'image, là, oui. Dans un congrès international à Niamey, « Vive le Québec libre, libre. ». C'était en 69, alors De Gaulle était passé. Et Gérard Pelletier est complètement sidéré. Et il dit « Madame, vous chantez bien, mais vous savez, vous criez mal, vous devriez vous occuper plus de votre première occupation ». En tout cas... Et là, Pauline, ça fait tout un incident diplomatique. Il y a eu des répercussions dans les journaux au Canada et tout ça. Mais elle a réussi, elle, à tout arranger ça parce qu'elle avait des copains dans le coin et tout ça. Puis elle va persister, signer. Ça aussi, c'est Pauline Julien parce qu'elle sortira un disque. Qui s'appelle « Je chante comme je crie ». Imaginez. comme je crie, comme je chante. C'est très, très révélateur. Puis ils sont très à gauche. C'est des idéalistes, des affiches de Che Guevara. Ils vont aller à Cuba, à Moscou. Moi, ça me rappelait un petit peu Sartre et Beauvoir qui vont épouser ces régimes, une espèce d'idéalisme, de romantisme, on y revient. Donc, idées politiques qu'ils vont partager, la création, qui sera aussi très importante pour eux. Écoutez Pauline Julien et Gérald Godin. En fait, c'est Gérald Godin, au micro de Michel Desautels, qui parle de ça en 1990. Il faut reconnaître quand même que la préoccupation centrale, c'est la création. Je ne parle pas de création du monde, mais les œuvres, les pièces de théâtre, les films... l'exposition de peintres, de tableaux, des sculptures, etc. Parce que nous estimons que c'est bien beau de vivre, mais encore faut-il contribuer une œuvre. Alors, c'est la création, l'importance de la création. Moi, ce qui me frappe, Louise Desjardins, dans cet extrait, c'est, puis dans le cas du nationalisme, de la cause de l'indépendance du Québec, ça aurait été pareil, c'est le « nous ». Gérald Godin, le couple, parfois, sur les questions de création, sur les questions politiques, Gérald Godin parle au « nous ». Nous pensons que. Oui, parce que ils sont unis vraiment dans la politique et dans la création. C'est Pauline aime Gérald parce que c'est un poète d'abord, et Gérald aime Pauline parce que c'est une chanteuse, c'est une artiste. Alors c'est des artistes. Hein? Et alors pour eux, c'est là qu'ils se fondent. Mais dans la vie courante, c'est différent. Mais c'est vraiment, c'était des gens qui s'entouraient d'artistes. Il y avait plein d'artistes qui passaient au Carré Saint-Louis. Presque tous les poètes sont passés par leur salon. Un peu, on dirait que c'est une maison de fous tellement qu'il y avait de gens qui passaient par là. C'est moins connu, puis encore moins aujourd'hui, mais ils ont une réelle importance dans ce milieu de la absolument, création. Absolument, absolument. Ouais. Bon, les années 60, c'est les années, on le disait, de Pauline. C'est elle qui est à l'avant-scène. Les années 70 deviendront les années de Gérald Godin. Il va être élu député dans le gouvernement péquiste de René Lévesque en 1976. Ça va être une période très difficile pour le couple. Pauline Julien, qui songe même à la séparation, elle en parle dans cette entrevue qu'elle accorde à Robert Guiscully en 1988. Je dois dire que quand il s'est lancé dans la politique, moi, je lui dis, c'est pas possible, c'était pas ça. J'étais très contente qu'il ait gagné pour lui, mais je voulais pas vivre avec un politicien du tout. Alors j'ai dit, c'est aussi bien de se séparer tout de suite, on va pas attendre, etc. Parce que je le voyais comme un marin, un marin qui part. Ça a été ça. Mais autour de moi, on a dit, prends ton temps, peut-être que tu vas t'adapter, peut-être même que tu vas aimer ça, qu'il parte de temps en temps, au lieu que ce soit toujours moi qui parte. Alors, ces années politiques de Gérald Godin, ça va être très, très difficile pour le couple. C'est très difficile pour Pauline, surtout. Oui. Oui, parce que Gérald, lui, était aux As, il aimait ça, il était content, il allait à Québec, il avait son appartement, sa liberté, il faisait ce qu'il voulait. Tandis que Pauline, elle sentait qu'elle perdait la vedette là, dans le couple. Et aussi, il faut dire que la chanson québécoise, à partir de la fin des années 70, ça commençait à décliner un peu dans son genre de chanson un peu engagée comme ça. Alors, ça a été très difficile pour Pauline, très, très difficile. Elle a pensé souvent de se séparer. Elle avait des amants, parfois lui aussi de son côté. C'était une période, on dit parfois un peu de liberté, mais c'était assez douloureux par moments. C'était drôle aussi par moments. Il y avait des épisodes incroyables où, je ne sais pas si je peux raconter cette histoire, à un moment donné, la police qui appelle Pauline en pleine nuit, qui dit « Madame, votre auto est dans la rue, je sais pas, Restaire, je sais pas. » Et Pauline dit « Mais non, c'était Gérald. » En fait, elle pensait que Gérald était parti à Québec avec l'auto. Puis elle se lève. « Madame, il faut aller chercher votre auto. » Et dans la nuit, elle se lève, elle va chercher l'auto, puis tout ça. Et le lendemain matin, quand Gérald arrive, il dit « Je me suis fait voler mon auto. » c'est un peu... Alors, ça tournait à la rigolade, ouais, comme ça. Mais prise au piège, là, Gérald, mais cette pour fois-là. Pauline, c'était difficile. Mais c'était une volontaire. Elle s'est rattrapée. Ouais. Ouais. Arrive la maladie. Ça va être long, hein, la maladie de Gérald Godin. Cette longue maladie, donc. Pauline Julien et Gérald Godin qui en parlent avec Robert Guiscully en 1988. Écoutez bien, Louise Desjardins. Moi, je suis très curieux. Vous les connaissez mieux que moi. Je ne les connaissais pas. Je suis curieux de vous entendre réagir à cet extrait-là. Et Pauline, est-ce que vous avez pensé perdre Gérald, que justement il s'enlèverait la vie? Il raconte à un moment donné qu'on lui faisait faire de la réhabilitation. C'était extraordinairement pénible et frustrant. Vous regardiez tout c'était ça. Pénible vous... parce qu'il était paresseux. Il ne voulait pas la faire sa rééducation. Il mettait le livre sous son oreiller. Il s'achetait des haltères. Mais avez-vous eu peur qu'il ne soit plus là? Que moi, je ne veux pas penser à la peur. J'ai sûrement eu peur parce que j'ai rêvé, j'ai eu des cauchemars et tout ça. Mais si je commence à penser à la peur, en faire une réalité, je suis peut-être naïve, mais elle va arriver. Donc, je fomente plutôt l'optimisme et le jour présent. Et donc, non, je n'ai pas pensé vraiment, je ne voulais pas, alors. Ben, je dis qu'au fond, si tu n'as pas eu peur de me perdre, tu n'as pas de cœur, quoi. C'est tout le contraire. Parce que moi, j'aurais eu peur de la perte, moi, si elle avait eu... Oui, mais la peur, ça donne quoi? Au contraire, j'étais soutenue par la volonté que de penser la peur donne rien, mais dis qu'on l'a eu, la peur manifeste un sentiment. Et je constate que tu ne l'as pas lu. Ah, qu'est-ce qu'il faut comprendre, Louise Desjardins, de ce qu'on vient d'entendre? Ça ne m'étonne pas tellement parce que c'est une période où Pauline en veut beaucoup à Gérald parce que pendant sa maladie, il la trompait. Elle était très, très malheureuse de ça et elle a failli le quitter. Alors, peut-être c'est une pirouette qu'elle fait là pour... c'est une petite pointe à Gérald, je crois, parce que dans le fond, elle l'aimait. Mais... Il y a plein de choses là-dedans. Il y a aussi la qualité, il y a le ressentiment, oui. Il y a la qualité de l'échange intellectuel. Hein, oui, c'est ça. La peur, qu'est-ce que ça donne, la peur? Mais ils finissent toujours, à force de discuter, ils finissent par se comprendre. Ouais. Alors, ça ne m'étonne pas dans un sens, mais en même temps, c'est symptomatique de la qualité de cette relation-là qui était franche, dans le fond. Gérald était secret pour ses petites choses, mais ouais. Pauline, c'était la franchise même. Ouais. Hein? Il y a une anecdote, je ne sais pas si c'est vrai, mais il est malade, elle découvre qu'il a une maîtresse qui est une proche de Pauline Julien. Elle l'aurait, comme on dit, débranché à un moment donné à l'hôpital. Ah, ça m'a été raconté par plusieurs personnes. Je peux pas garantir que c'est absolument vrai, mais c'est parce que ça a été raconté aussi par Gérald et Pauline après coup, parce que c'est toujours comme ça. Il y avait le drame. Ouais. Moi, je pense qu'elle a peut-être enlevé un tube. Ou je pense pas qu'elle ait complètement. Ouais. En tout cas, je sais pas. Mais c'est le drame total. Ouais. Hein? On arrive au fond. Là. On est romantique au bout. Là. On arrive au fond. Puis finalement, ça remonte, ça défoule et puis ça tourne à la rigolade. Et on m'a dit que Gérald et Pauline racontaient cette anecdote-là en rigolant. En rigolant. Ouais, oui, toujours ça au fond. la maladie va... Bon, Gérald va finir par mourir. Elle sera très près de lui à la fin. Beaucoup de tendresse. Et puis, la maladie va frapper à son tour Pauline Julien, qui va décider de mettre fin à ses jours en 1998. Ça va ressembler à quoi, les dernières années de Pauline Julien? C'était très difficile. J'ai connu beaucoup Pauline pendant ces derniers mois. Et moi, je trouvais ça tellement triste parce que Pauline et Gérald, c'est des êtres de parole. Ils ont passé leur vie à faire des discours, à se prononcer sur tout, puis sur la scène. Et tout à coup, c'est eux qui sont attaqués tous les deux parce que Gérald est obligé de faire de la rééducation pour apprendre à parler après son opération cancer au cerveau. Et Pauline est devenue aphasique graduellement. Et à la fin, elle pouvait presque plus parler. Ouais. C'était d'une tristesse. Moi, je comprenais sa douleur parce que elle voulait parler. C'était une fille qui avait besoin de crier, de s'exprimer, mais elle n'est plus capable. Confinée au silence. C'est ça. Il faut s'arrêter là-dessus, Louise Desjardins. C'était passionnant, cette histoire de la relation entre Pauline Julien et Gérald Godin. Je rappelle, vous êtes auteur de Pauline Julien, La vie à mort. Merci infiniment de votre participation à l'émission. Ça me fait plaisir. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.